Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Cesse de t'inquiéter, mon frère. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Ne compte pas sur tes propres ressources. Ne compte pas sur ton salaire. Ne compte pas sur le salaire de ton mari. Ce que Dieu va accomplir ne dépendra ni de ton salaire, ni de tes ressources. Mais crois en lui et tu verras de grandes choses s'accomplir. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Juges chapitre 7, 16 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui c'est Juges 7, 16 à 25. Il divisa en trois corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vide avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du millier, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréa, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Elle concerne l'importance de l'organisation. Dans tous les domaines de notre vie, si nous voulons voir du progrès, nous devons apprendre à mieux nous organiser. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le cadre professionnel, dans tout ce que nous faisons, apprenons à bien nous organiser. Nous voyons ici Gédéon, qui était à la tête d'Israël comme juge. Il avait pour mission battre les Madianites, vaincre les Madianites qui étaient des ennemis d'Israël. Et Dieu lui a donné 300 hommes avec qui il devrait combattre. Mais nous voyons comment il a su organiser ces hommes-là pour arriver à la victoire. Le verset 16 dit, « Il divisa en trois corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. » Vous voyez, il les divisa. C'est une façon de bien s'organiser. Il les divisa en trois corps. c'est important d'être bien organisé. Et nous voyons souvent, même au niveau du peuple d'Israël, quand il marchait, il y avait les 12 tribus. C'était une façon d'organiser le peuple. Et chaque fois qu'ils devaient camper, chaque tribu savait où elle devait camper. L'organisation est importante, même au niveau des non-nations. Si nous sommes mal organisés, nous ne pourrons pas accomplir de grandes choses. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être bien organisés. Et nous allons réussir et nous ferons du progrès. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Et quand nous parlons de l'organisation, nous devons savoir, par exemple, donner des tâches précises aux personnes qu'il faut, placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons savoir qui rapporte à qui. Vous voyez ? Nous devons savoir bien déterminer la description de tâches. L'organisation est importante et nous avons besoin de prier pour que Dieu nous aide à mieux nous organiser. Deuxième grande vérité, nous montre certains ingrédients de la victoire, surtout dans le cadre d'une bataille ou dans un combat. Lorsque nous combattons dans le désordre et que nous ne suivons pas certaines inscriptions et que nous n'avons pas, il existe des éléments déterminants pour que nous puissions être victorieux sur nos ennemis. Le premier élément que je voudrais partager ici, c'est que nous devons avoir de bonnes stratégies. C'est vrai, même lorsque nous prions, nous parlons de combat spirituel, c'est bien. Mais nous devons avoir de bonnes stratégies aussi dans le cadre du combat. Regardez ici, la Bible nous dit que Gédéon divisa en 3 corps les 300 hommes. Il est remis à tous des trompettes et des cruches avec des flambeaux dans les cruches. Ça faisait partie des stratégies. Il a compris qu'il devait avoir avec eux des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 17, il dit, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Nous avons vu aussi, par exemple, lorsque Josué et les enfants d'Israël devraient faire tomber la muraille de Jéricho, il y avait une stratégie qui était inspirée de Dieu. Il devait faire 7 fois le tour de la muraille. Ça fait partie des stratégies. Donc, nous devons avoir des stratégies pour être victorieux. C'est pourquoi Dieu, il inspire des stratégies telles que des veillées de prières, telles que des chaînes de prières. Il y a des jeûnes que nous devons avoir. Nous devons apprendre, par exemple, à prier de manière prophétique, faire parfois des actions prophétiques. Donc, il faut que le Saint-Esprit nous inspire quelle stratégie nous devons avoir pour remporter une victoire. Deuxième ingrédient de la victoire, c'est que nous devons être obéissants aux instructions du leader choisi par Dieu. Lorsque nous sommes dans une organisation, Dieu a placé à la tête, par exemple dans l'église, un pasteur, un prophète, un homme de Dieu, une servante de Dieu, choisi par Dieu. Ici, nous voyons que Gédéon, c'est quelqu'un qui ne s'est pas autoproclamé. C'était quelqu'un qui était choisi par Dieu. Et Dieu a confirmé de plusieurs manières que c'est lui qui l'a choisi pour délivrer Israël. Alors, il fallait maintenant que les reins des enfants d'Israël obéissent aux instructions de Gédéon. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu t'a donné un papa spirituel, une maman spirituelle. Si tu veux remporter la victoire dans ce que tu fais, écoute les conseils que ton papa spirituel te donne. Ne sois pas rebelle à ton père spirituel, à ta mère spirituelle. Il faut suivre les instructions qu'il te donne pourvu que celles-ci s'accordent avec la pensée de Dieu. Je ne dis pas que le papa spirituel, la maman spirituelle, il est Dieu. Tout ce qu'il te dira, tu dois à l'aveuglette t'accepter. Mais nous voyons ici, Gédéon a donné des consignes précises que tous les enfants devraient respecter pour vaincre leurs ennemis. Et ils ont obéi. Il est dit au verset 19, « Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux de la main droite, les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils ont suivi donc les consignes que Gédéon avait données. Et c'est l'observation de ces consignes qui les a conduits à la victoire. Troisième ingrédient de la victoire. Nous devons placer toujours Dieu en première position dans tout ce que nous faisons. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu veux commencer des affaires, dans tes affaires, à un moment donné, tu sens que ça ne va pas. Tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est mis en première position? Ou bien c'est toi-même d'abord qui est en première position? Ou bien ce sont tes amis? Vous voyez ici, dans ce combat-là, Gédéon ne comptait pas sur lui-même. Il était conscient que c'est Dieu qui combattait pour eux. C'est pourquoi même pour les instructions qu'il donne, écoutez, il y a quelque chose qu'il dit au verset 18. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Pourquoi il commence par pour l'Éternel? C'est pour montrer que Dieu devrait occuper la première position. Sinon, il allait dire pour Gédéon et pour l'Éternel. Mais il commence d'abord par pour l'Éternel. Il faut que Dieu prenne la première position. Il faut que Jésus occupe la première place. Jésus d'abord et nous après. Et les autres ont compris. Mais souvent, c'est nous-mêmes d'abord que nous faisons passer pour des chefs. On veut qu'on puisse nous acclamer. On veut que la gloire nous revienne. La Bible déclare, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous avons des ambitions, nous voulons réaliser des choses, mais si nous ne mettons pas Dieu en première position, nous ne recherchons pas sa gloire, Dieu peut même nous confondre, vous voyez. C'est pourquoi il y a même des bons projets que nous pouvons avoir. Je vais parler à quelqu'un. Tu as des grands projets, tu dis, moi je vais réaliser telle chose, tu rêves de construire un grand immeuble, tu rêves de commencer une grande entreprise, mais si c'est par orgueil, mon ami, Dieu va te confondre. Tu vas voir ce que tu vas faire, va ressembler à la tour de Babel. Ici, il dit pour l'Éternel et pour Gédéon. Et c'est en suivant ces consignes-là qu'ils ont battu le roi de Madian. Le verset 25 dit, ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons l'adorer. Nous allons le glorifier en chantant ce cantique. C'est un cantique chanté en langue swahili qui est parlé à l'est du Congo RDC, dans d'autres pays tels que le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie. Hakuna Mwingine veut dire il n'y a personne d'autre comme Jésus-Christ. Celui qui est mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Yesu, Ninjia, Ukweli, Uzima wa Milele. Chantons ce cantique. Gloire à Dieu. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons ce Dieu qui nous instruit jour après jour. Lui qui nous a gardés. Lui qui nous donne la grâce de comprendre ces choses et de les mettre en pratique. Bénissons son nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes dans notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant sur les Saintes Écritures. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges 7, 16 à 25. Nous venons de voir l'importance d'une bonne organisation pour réussir dans ce que nous faisons. Prions pour que Dieu nous donne cette sagesse-là, afin de mieux nous organiser, que ce soit au niveau même de la famille. Que ce soit au niveau des activités que nous faisons, au niveau de l'église, de nos ministères, prions pour que l'esprit de désordre soit écarté, que Dieu nous aide à avoir des personnes qu'il faut pour les placer là où il faut, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, c'est avec joie que nous invoquons ton nom ce matin, une joie de reconnaissance. Hier, nous nous sommes couchés, nous nous sommes endormis et ce matin, nous nous sommes réveillés. C'est grâce à toi. C'est cette reconnaissance que nous exprimons ce matin par des cris de louange, par l'expression de notre joie. Père éternel, nous prions ce matin et nous te demandons de nous accorder la sagesse pour mieux nous organiser au sein de notre famille, mieux nous organiser dans notre ministère, mieux nous organiser au niveau de notre travail. Toi, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Oh Dieu, nous invoquons ton nom et nous demandons que tu mettes sur notre voie, sur notre chemin, des personnes de ressources, des personnes équipées, outillées, qui pourront nous aider à mieux nous organiser, à mettre en place les choses telles qu'elles sont supposées l'être. Nous prions contre toute forme de désordre dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit d'improvisation et nous demandons, Père, que tu nous accordes la sagesse, que tu nous donnes la sagesse pour mieux mettre en place avec une cohérence tout ce qui doit être fait. Merci Père éternel, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui nous donnes la sagesse pour les accomplir, pour les mettre en œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'important des ingrédients pour être victorieux. Nous allons prier pour que nous puissions réellement avoir des bonnes stratégies, surtout dans le cadre de l'évangélisation. Aujourd'hui, l'Église a négligé l'évangélisation. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit avec nous, nous avons l'onction. Mais si nous n'avons pas de bonnes stratégies, nous ne pouvons pas gagner les âmes à Christ. Nous avons besoin de bonnes stratégies également dans les cas de prière, des combats spirituels. Nous avons besoin de bonnes stratégies, même au niveau de la nation, pour remporter certaines victoires. Prions pour que Dieu nous inspire des bonnes stratégies. Prions pour que nous soyons unis autour de nos leaders et qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de problème, de palabres et que nous soyons unis comme le peuple d'Israël était uni autour de Gédéon. Prions le Seigneur. Gloire te soit rendue à jamais, parce que l'intelligence vient de toi, la sagesse vient de toi, le discernement vient de toi. Toutes les qualités pour bien faire, pour bien réussir, viennent de toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous avons beaucoup de défis à relever dans nos communautés. Au niveau de l'église, au niveau de l'évangélisation, au niveau de l'exorcisme, au niveau de tout ce que nous faisons dans la communauté. Mais nous avons besoin de beaucoup de stratégies. Nous avons besoin de beaucoup d'innovation, de créativité, d'invention. Seigneur, il faut aussi des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a assez de choses, mais nous voulons être efficaces. Tu as dit d'aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Faire des disciples, c'est de prêcher ta parole. Les gens vont prendre des décisions, rester, les enseigner, les instruire, les éduquer et rester dans la communauté pour prendre des activités. C'est cela, faire des disciples. C'est pourquoi nous voulons te prier de nous donner des bonnes stratégies, de nous donner le discernement, de nous donner la sagesse, de nous donner la connaissance. Seigneur, fais de nous des vrais combattants, des vrais serviteurs de Dieu. Sois béni, Seigneur, parce que la communauté sera remplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi l'importance de mettre Dieu en première position pour l'Éternel et pour Gédéon. Prions pour que Dieu occupe toujours la première place dans nos projets, dans ce que nous faisons, et que nous soyons en seconde position, ou bien que nous venions après, que nous recherchions toujours la gloire de Dieu et non notre propre gloire, que notre orgueil soit brisé dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es tout puissant, tu es le véritable, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton nom est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu t'appelles Je suis, ce matin encore, tu es avec nous. Par ton esprit, tu vis en nous et tu nous mènes, tu nous accompagnes, tu nous diriges, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous illumines. Et nous en sommes conscients et nous savons que tu n'es pas loin de nous. Merci pour ton œuvre dans notre vie. Merci parce qu'en reconnaissance, nous voulons te dédier notre vie. Nous voulons te placer à la tête de nos vies. Nous voulons te placer à la tête de nos projets, de nos familles, de nos activités, de tout notre être, de toute décision à prendre. Nous voulons d'abord te consulter. Nous voulons d'abord te remettre toutes choses avant de nous engager dans le mariage. Nous voulons te placer en tête dans notre travail, dans le choix même du travail. Nous voulons réellement que tu sois toujours à la tête, car si tu es avec nous, qui sera contre nous? Si tu vis, si tu à approuver notre dessein, notre vœu, nous allons avoir du succès. Merci parce que avec Gédéon, tu as réussi tous les combats. Tu lui as donné le triomphe. Merci de nous accorder le triomphe, la victoire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous rappelons que nous aurons ce dimanche 5 juin notre rencontre des couples mariés dans le cas de bonheur conjugal. Dans le cas de bonheur conjugal, l'entrée est libre à partir de 17h. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.